Section 5 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Marie-Anne Vidal. La lecture, tome 6e. Section 5, Les trois coups de foudre, par Ludovic Halévy de l'Académie française. Chapitre 3. Montségur avait à Saint-Chamond un comité électoral, présidé par un certain Brincard, gros industriel qui avait assez vécu pour avoir été ardent philippiste sous Louis-Philippe, ardent cavaignaciste sous Cavaignac, ardent bonapartiste sous Bonaparte, ardent thiériste sous M. Thiers et ardent gréviste depuis l'élection de M. Grévy. M. Brincard, d'ailleurs, était résolu à devenir ardent gambettiste le jour, qui paraissait proche, où M. Gambetta deviendrait maître de la France et de la République. Brincard était un de ces hommes qui, pendant qu'il crie « Vive le gouvernement d'aujourd'hui !» se préparent à crier avec le même enthousiasme « Vive le gouvernement de demain !» Notre pauvre pays est, en somme, affreusement calomnié. On reproche sans cesse à la France d'être une nation révolutionnaire. Rien de plus injuste. La France est, au contraire, une nation tellement conservatrice qu'elle s'arrange généralement pour l'être à la fois de deux gouvernements, de celui qui fonctionne et qu'elle a choisi librement, et d'un autre qui se tient dans la coulisse, tout prêt à renverser et à remplacer le gouvernement en exercice. Montségur dut réunir son comité, lui rendre compte de ses travaux et de ses votes pendant la session qui venait de s'écouler. Si Montségur avait voulu être exact et sincère, ce compte-rendu aurait été rédigé à peu près en ces termes. J'ai continué d'adorer la femme de mon collègue Lambertin, mais c'est une affreuse coquette qui m'a mise au martyre pendant toute la session. L'homme aurait ainsi parlé, mais le député fut obligé de tenir un langage plus parlementaire, de toucher à toutes les questions du moment. Expulsion des jésuites, séparation de l'Église et de l'État, suppression du Sénat, revision de la Constitution, etc. Les explications de Montségur furent embarrassées, et au fond légèrement réactionnaires. Pour goûter véritablement les douceurs de la République, il avait besoin d'avoir sous les yeux, sous la main, la gentille républicaine qui avait eu le talent de le brouiller avec la monarchie. Le comité accueillit froidement le compte-rendu de Montségur. Le pharmacien Mignonnet demanda la parole. Brincard la lui donna. Mignonnet fit entendre à Montségur de très sévères paroles. Il avait été mou, faible, timide, irrésolu. Il n'avait pas entendu la voix de la France, qui cependant parlait haut et clair. La France voulait être écoutée. La France voulait être obéie. Il fallait marcher, marcher, marcher. En avant, toujours en avant. Montségur répondit qu'il avait déjà beaucoup marché, qu'il commençait à éprouver une certaine lassitude, qu'il sentait le besoin de se reposer, et qu'il croyait que la majorité des Français était, à cet égard, pleinement de son avis. Cette déclaration fit un effet désastreux. À cette idée d'un temps d'arrêt possible de la France, le pharmacien manifesta la plus violente indignation. Mignonnet n'admettait pas que la France pût jamais s'arrêter. Brincard s'intéressait à Montségur. Il vit que celui-ci allait s'enferrer, leva brusquement la séance et prenant Montségur à part, il lui dit « Vous faites fausse route. Venez donc ce soir dîner chez moi, en famille. Nous serons seuls, bien tranquilles et nous causerons. » Ce Brincard n'était pas une bête. Il ne lui aurait pas été difficile de supplanter Montségur et de se faire nommer aux élections prochaines député de Saint-Chamond. Un peu vulgaire, mais riche, laborieux, actif, doué d'une très vive intelligence des affaires, ayant en main de grands intérêts industriels, il ne se sentait nulle envie d'aller paperasser et avocasser à Paris, parmi les 550 souverains de la France. Il ne voulait pas être député, mais il ne voulait pas que Mignonnet le fût, et la chose arriverait inévitablement si Montségur ne s'y prenait pas mieux pour manœuvrer sa barque. Brincard désirait épargner à l'arrondissement de Saint-Chamond le ridicule de la nomination du pharmacien, qui, quoique libre penseur et franc-maçon, était un parfait imbécile, cela se voit. Montségur s'en alla, le soir, dîner chez Brincard. Ils étaient 5 à table, monsieur et madame Brincard, monsieur Lucien Brincard, lieutenant au 2e hussard, mademoiselle Adrienne Brincard, et lui, Montségur. Le dîner fut rempli par de longs discours de Brincard à l'adresse de Montségur. Il fallait prendre un grand parti, le prendre nettement, résolument, avant les élections générales. Il fallait que Montségur abandonnât la gauche républicaine comme il avait abandonné le centre-gauche. L'avenir était à l'Union républicaine, l'avenir était à Gambetta, et l'on devait toujours appartenir au parti de l'avenir. C'était la théorie de M. Brincard, et c'est la théorie de bien des gens. Or, Montségur n'écoutait pas plus Brincard célébrant la gloire de l'Union républicaine qu'il n'avait, jadis certains soirs, écouté Madame Lambertin célébrant la gloire du centre-gauche. Il regardait Adrienne. Il venait d'être foudroyé pour la troisième fois. Il était à la fois stupéfait et ravi. Il se rappelait, en effet, avoir vu 3 ou 4 années auparavant une gamine noiraude et courtaude qui se promenait dans les environs de Saint-Chamond sous la surveillance d'une gouvernante anglaise. Cette gamine portait des robes courtes qui laissaient voir de grands pieds. Elle était maigriotte, anguleuse, sèche, avec une taille carrée, sans grâce aucune. Elle avait d'assez beaux yeux, rien de plus. C'était la petite Brincard. Montségur, depuis quelques années, avait cessé de la rencontrer quand il venait à Saint-Chamond. Elle était à Paris pour son éducation. Et où cela? Juste ciel, au couvent! Monsieur Brincard était voltairien dans l'âme, tenait volontiers contre le cléricalisme, vantait les bienfaits de l'enseignement laïque, avait approuvé la création des lycées de jeunes filles. Mais il avait confié Adrienne aux religieuses du Sacré-Cœur. Elle venait de sortir du couvent et, ravissante, s'épanouissait dans toute la grâce et la fraîcheur de son printemps. Légère, mince, élancée avec de grands yeux qui éclataient, à la fois hardis et naïfs, dans la tranquillité d'un teint mat avec deux lourdes nattes de cheveux dorés qui retombaient en grosses torsades, par derrière, sur les plissés de son corsage de mousseline blanche. La taille est devenue fine et le pied mignon, car la taille et le pied sont, chez la femme, les deux choses qui, après avoir augmenté de 10 à 15 ans, diminuent de 15 à 20. Brincard pérorait, pérorait, pérorait. Montségur admirait, admirait, admirait. L'esprit qu'il ne trouvait pas aux paroles du père, il le trouvait aux yeux de la fille, et la beauté de l'une l'aidait à supporter patiemment l'éloquence de l'autre. Cependant, les discours de M. Brincard ne pouvaient rester sans réplique. La réponse de Montségur fut très nette. Il se déclara résolu à ne faire un pas de plus vers la gauche. Cela lui coûterait peut-être son siège de député. Il ne s'en souciait guère. Installé depuis quelques jours chez lui, à la campagne, il avait déjà repris goût à sa vie d'autrefois. Il se sentait renaître, il se sentait revivre. Il se plaisait à battre le pays du matin au soir, à pied, en voiture, à cheval. « Vous montez à cheval, monsieur ?» C'était la première parole d'Adrienne. Cette phrase sembla délicieuse à Montségur. Il trouva que la voix était chaude et musicale. « Oui, mademoiselle, » répondit-il. « Et vous aimez cela ?»« Beaucoup, mademoiselle. » »« Et moi, monsieur, passionnément. Je monte à cheval tous les matins avec mon frère. » »« Et nous avons même à nous accuser, » continua le jeune officier, « nous avons à nous accuser d'aller quelquefois faire l'école buissonnière chez vous. »« Chez moi ?»« Oui, monsieur, » dit Adrienne. « Les bois de papa sont, par ici, par là, un peu enchevêtrés dans vos bois à vous. » Il y a bien un petit saut de loup, mais il est si tentant, ce petit saut de loup. Que vous le sautez quelquefois? Pas quelquefois, monsieur, toujours. Quand nous allons de ce côté-là, et une fois lancé, il nous arrive de continuer et de faire de petits temps de galop, en maraude, sur vos terres. Et vous avez bien raison, mademoiselle. Mes bois sont absolument à votre disposition, et vous pouvez sauter le fossé en pleine tranquillité de conscience. La politique fut abandonnée. On se mit à parler chevaux, chasse, chiens, sujet éternel et inépuisable, aussi bien que la politique. Mais après le dîner, M. Brincard réussit à reprendre possession de Montségur et recommença ses grands discours. Adrienne vint tirer Montségur d'esclavage. « Voyons, papa, sois raisonnable. Laisse M. de Montségur prendre son café tranquillement. Combien de morceaux de sucre, monsieur ?»« 2, mademoiselle. »« Voici, monsieur. Et puis, sais-tu, papa, ce que nous devrions faire tout à l'heure ?»« Regarde, quel joli temps !» Nous devrions aller un peu nous promener dans le parc. On alla se promener dans le parc. Il y avait là, comme à Larnas, une petite rivière, et comme à Larnas, un clair de lune. Et pendant que M. Brincard expliquait à Montségur que là, il avait comblé un ravin, et là, creusé une grotte, Montségur regardait Adrienne. Il admirait la franchise et la décision de sa démarche, la grâce et l'harmonie de ses mouvements. Une jeune déesse, se disait-il, une jeune déesse. Montségur, vous le savez, devenait facilement amoureux. C'est une grande ressource dans la vie. En un instant, comme par magie, la douce et reposante vision de cette jeune fille avait chassé de l'esprit de Monségur le souvenir tremblant de Laure Lambertin. Une seule chose, en effet, guérit de l'amour, et cette chose, c'est l'amour. Monségur, en rentrant, mentit effrontément. Il détestait le whist et déclara qu'il l'adorait. Il fit la partie de M. Brincard et de Mme Brincard, mais que de renonces, grand Dieu, et que de fausses attaques, jouant régulièrement dans la faiblesse quand il fallait jouer dans la force, et dans la force quand il fallait jouer la faiblesse. Ses quadriennes, autour de lui, étaient en perpétuel mouvement, travaillant pendant un quart d'heure un ouvrage de broderie, allant regarder son frère, qui s'amusait à dessiner, s'arrêtant devant le piano, et là, sans s'asseoir, du bout des doigts, esquissant la valse lente de Sylvia, puis venant s'asseoir à côté de son père, en face de Monségur, et disant « Il faut que je tâche de comprendre quelque chose à ce jeu-là. » C'est alors que Monségur, lui, n'y comprenait plus rien à ce jeu-là. Il perdait absolument la tête, répondait à du cœur par du trèfle et à du pique par du carreau. Brincard, qui ne plaisantait jamais au whist, disait sévèrement à Monségur « Vous n'avez pas une grande habitude du whist ?»« Pas très grande, » répondait Monségur. « Pas très grande. » »« Vous avez cependant le sentiment du jeu, mais vous êtes inégal, vous avez de petits moments de distraction. » Pensant que le dîner serait fort ennuyeux, non moins ennuyeuse la soirée et désirant l'abréger, Monségur avait demandé sa voiture pour 10 heures. Il partit à minuit, ayant perdu 140 fiches à 10 sous. Madame Brincard avait gagné les 140 fiches, et, ravie de sa soirée, elle déclara qu'elle n'avait jamais vu d'homme plus charmant et plus distingué. La conquête de Madame Brincard n'avait coûté que 70 francs à Monségur. C'était pour rien. Le lendemain, à 7 heures, il était à cheval et s'en allait se poster sous bois, en face de la grille du parc des Brincard. Il resta là, pendant une grande heure, invisible, mais voyant très bien. N'avait-elle pas dit la veille « Je monte à cheval tous les matins avec mon frère ?» Vers 8 heures, en effet, Monségur vit paraître le frère et la sœur. Ils entrèrent sous bois. Monségur, de loin, les suivit à la piste, puis les devança par un crochet hardi, fit 2 ou 3 manœuvres savantes et tomba droit sur eux au détour d'une allée, comme par le plus miraculeux des hasards. Et les voilà, tous les trois, trottant et galopant de compagnie par une matinée charmante. Ils s'en allèrent vers cet endroit où s'enchevêtraient les bois de Brincard et les bois de Monségur. Ils passèrent tous les trois, bien en ligne, d'un même élan, le saut de loup. Après quoi, Monségur, se trouvant chez lui, fit à Lucien et à Adrienne les honneurs de ses bois et les honneurs de son parc. Adrienne était là, au petit galop, à ses côtés, et il la regardait avidement, la trouvant aussi charmante à cheval qu'à pied, et plus jolie encore à la lumière du soleil qu'au clair de la lune, car on la voyait mieux. Les parties de whist succédèrent aux parties de whist, et les promenades à cheval aux promenades à cheval. Au moment de la rentrée des chambres, Monségur avait demandé un congé pour raison de santé. Chose singulière. Monsieur Brincard ne soufflait plus mot de la marche en avant, du passage à l'Union républicaine. 3 mois se passèrent ainsi. Et Monségur songeait à faire venir de Paris, pour la demande officielle, sa tante Caroline, lorsqu'un événement se produisit qui le décida à brusquer le sort et à rejeter la correction des règles. Un bien mince événement, une poignée de main, pas autre chose. Un soir, Monségur s'en allait, Adrienne lui donna une si gentille poignée de main qu'il se sentit tout à coup plein d'impatience et plein d'espoir. Depuis 3 mois, pas une parole n'avait troublé la pleine innocence de leurs entretiens. Et cependant, doucement entraînés l'un vers l'autre, ils avaient trouvé moyen de se dire qu'ils s'aimaient, rien que par ces petits serrements de main dont le langage, de jour en jour, devenait plus net et plus précis. Il est tant de façons de se parler d'amour. Elles avaient passé par bien des phases et par bien des nuances leurs poignées de main. Les premières, d'abord, rapides, incertaines, hésitantes. Puis l'amitié bien vite était venue, et une sorte de camaraderie. Alors ils se donnèrent la main, franchement, ouvertement, fraternellement. Mais ensuite, et comme si, à travers leurs doigts enlacés, un fluide eût circulé secrètement, tous deux, le même jour, avaient éprouvé le même trouble et le même embarras. Les poignées de main étaient devenues brèves, nerveuses, agitées. La crise avait été courte. Des sentiments de douceur et de tranquillité avaient en même temps gagné leurs âmes, et les poignées de main alors de se prolonger, de s'alanguir, tendres, confiantes, abandonnées. À tel point que ce dernier soir, la main d'Adrienne s'était oubliée dans la main de Monségur, pendant qu'ils échangeaient, d'une voix un peu émue, des paroles parfaitement insignifiantes. Adrienne, tout d'un coup, était devenue très rouge. Elle se disait « Ma main, mon Dieu, où est ma main? Et depuis combien de temps est-elle là ?» Elle ne trouvait plus rien à répondre à Monségur, qui, lui, ne trouvait plus rien à dire, et leurs deux mains restaient là. Cependant, après une minute de silence qui lui parut éternelle, bien que n'étant pas sans douceur, Adrienne retrouva quelque énergie et réussit à dégager sa main. Voilà pourquoi, le lendemain matin, Monségur entrait, sérieux et grave, dans le cabinet de M. Brincard. Il s'asseyait et débutait par cette phrase longuement préméditée « Mon cher M. Brincard, j'ai à vous faire un gros aveu. » La voix tremblait un peu. M. Brincard le regarda et lui répondit « Je sais ce que c'est. Vous savez? Vous êtes amoureux d'Adrienne et vous venez me demander sa main. Vous avez deviné. Ah, ça! Est-ce que vous croyez que j'ai mes yeux dans ma poche? Vous êtes un garçon charmant, un fort galant homme. Vous avez une très belle fortune, nous sommes voisins, et jamais la moindre contestation de bornage, de mitoyenneté ou de dégâts de gibier ne s'est élevée entre nous, ce qui fait notre éloge à tous deux. Bref, je vous appellerai très volontiers mon gendre, et tel est aussi le sentiment de ma femme. Vous avez gagné son cœur dès le premier jour. Et voilà pourquoi nous n'avons pas mis le holà quand nous vous avons vu devenir amoureux d'Adrienne. Soyez bien certain que, sans cela, nous n'aurions pas autorisé toutes ces cavalcades et toutes ces promenades au clair de lune. Ainsi, du côté de ma femme et de mon côté, pas d'obstacle. Reste Adrienne. Je vais la confesser, et je ne crois pas entre nous que la confession soit bien longue. Allez faire le tour du parc, le grand tour par le chemin de ronde, c'est l'affaire d'une demi-heure, et revenez. Vous aurez au retour ma réponse définitive. Allez, et à bientôt. » Et comme Monségur se levait, M. Brincard ajouta « Ne soyez pas trop inquiet pendant votre promenade. » Non, Monségur n'était pas très inquiet. Il s'en alla faire docilement le tour du parc, mais il marcha très vite. Comme il approchait du château, au détour d'une allée, devant lui, dans la verdure à une centaine de pas, il aperçut une robe blanche. C'était Adrienne. Elle venait à lui, courageusement, toute seule, et quand elle fut près de lui, tout près de lui, pas une parole ne fut nécessaire. La réponse d'Adrienne était dans ses yeux, dans son sourire, dans la naïve et franche émotion de tout son être. Elle prit le bras de Monségur. Ils revinrent à pas lents vers le château, toujours sans une parole. Quand on a trop de choses à se dire, le meilleur moyen de s'entendre, c'est de ne se rien dire du tout. Cependant, comme ils approchaient du perron, Adrienne s'arrêta et avec un peu d'embarras. « Papa, dit-elle, n'a mis à son consentement qu'une seule condition. Oh, tout ce qu'il voudra, tout ce que vous voudrez. Moi, cela m'est parfaitement égal. Je vous supplie de le croire, à tel point que je ne me rends pas bien compte de ce que je vais vous demander. Vous vous représenterez à la Chambre, et si vous êtes réélu, vous vous ferez inscrire à l'Union républicaine. Est-ce bien ce nom-là? Oui, c'est bien cela. Y consentez-vous? Si j'y consens, de tout mon cœur. Je me ferai inscrire où vous voudrez, entendez-vous. Où vous voudrez. Je n'y mets qu'une condition. Vous me permettrez de vous adorer? Oh, cela, je vous le permets. » Et voilà comment l'amour, encore une fois, assura la réélection de Monségur. Le pharmacien se présenta, mais pour être écrasé, Monségur fut réélu. Ces jours derniers, Monségur est allé se faire inscrire à l'Union républicaine. Un député était là en train de mettre son nom sur le registre, et ce député, c'était Lambertin. « Ah ! S'écria-t-il en apercevant Monségur. « Vous faites comme moi, vous avez bien raison. La France marche, il faut la suivre. Madame de Monségur est sans doute avec vous à Paris. Vous nous l'amènerez un de ces soirs. Ma femme sera enchantée de faire sa connaissance. » Fin de la section 5.